j'aimerais vous parler. Merci. J'aimerais vous parler avant. Hey, arrêtez là! Mais là, il y a quelque chose que j'aime pas là-dedans, c'est le son de ma voix. Bon, malheureusement, là, vous n'êtes pas chanceux. Vous êtes très chanceux. Ouais. On va mettre un peu d'aigu comme ça, mais pas trop, hein. Comme ça, ouais, comme ça, c'est merveilleux. Alors, oui, c'est ça. Aujourd'hui, il se passe des affaires. C'est la fête de du fils de ma sœur. Mais également, la fille de ma sœur va accoucher là, dans les heures, dans les jours, même pas dans les semaines, là, dans les jours ou dans les heures qui suivent. Alors là, on va vous expliquer ce qui s'est passé. Avant que j'entre en onde, le téléphone sonna. Sonny. Je deviens sénile là-dedans. Le téléphone a sonné. Donc, je monte les marches, bading, badang, hein, prends l'acoustique. Allô? Là, ça ne dit rien. Là, je colle mon oreille sur le téléphone, sur l'émetteur, mais ça ne m'émettait pas. Là, j'étais peut-être en trouble, là, parce que je vais vous raconter une petite histoire véridique, c'est que elle fréquente un jeune homme depuis quand même quelques années. Et ce jeune homme-là a un enfant qui ne reste pas à Québec, mais qui va chercher une fin de semaine sur deux. Bon, à l'autre bout du monde. À Hall. Et c'est à l'autre bout du monde, Hall. Mais là, comme la fille de ma sœur va accoucher là, dans les heures, dans les jours qui suivent, mais pas les semaines. Ben là, il a décidé de... Mais moi, je le savais pas. Ben là, je l'ai su à la dernière minute. Là, je l'ai su après l'appel téléphonique que j'ai eu. Moi, je croyais qu'elle était seule chez elle et qu'elle voulait parler à quelqu'un, mais là, elle n'était plus capable, le téléphone est tombé. Je ne sais pas, je me faisais une mise en scène incroyable. Tu sais, moi qui a quand même l'esprit qui tourne constamment, la tête me tourne également. Tout me tourne. Tout me tourne comme la Terre. Donc, je suis à l'image de notre sphère. Et là, je prends l'acoustique, il n'y a rien. Je dis « Oui, allô? » En montant un peu le ton, pour aussi me faire comprendre. Et là, j'entends un balbutiement. Excusez-moi, monsieur. Je me suis trompé de numéro de téléphone. Je dis, il n'y a pas de problème. Tu sais, je reprends mes esprits et mon souffle. Parce que là, je dois aller en onde. Moi, là, imagine si la fille de ma soeur accouche, qu'est-ce qui va arriver? Je pars en scooter, puis hein, elle reste à l'autre bout. En plus, elle reste pas à Québec. Elle reste ben, tu sais, en périphérie. En périphérie, là, c'est 30 minutes. Mais 30 minutes en voiture, mais moi, je suis en scooter électrique. Je peux pas me rendre là aussi rapidement que ça. Puis en plus, il faut prendre des autoroutes. Pas capable. Appelez un taxi, vous allez me dire. Appelle un taxi quand tu es sur le gros nerf. Moi, ma petite valise n'est pas prête, là. Elle, tout est fonctionnel. Ce sont séchoirs et là-dedans. Son fer à friser, à défriser. C'est cosmétique. Sa crème revitalisante. Sa crème anti-rides. Imagine-toi, à 31 ans, crème anti-rides, c'est beau, hein? Crème anti-rides, étirement de cheveux, tout est là-dedans, là. Tu sais, trois valises bien pleines, hein? Puis aussi, son disque de Michel Louvain. 80 d'amour! Elle adore Michel Louvain. Et elle est de son temps. Et non, mais chacun son plaisir. Ne jugez pas, ma petite Sophie d'amour. Bon. Et puis c'est Michel Louvain puis Alice Roby, c'est ses sources musicales. Ah, elle est comme son oncle, elle est hétéroclite. Et puis en plus, je me suis dit, je dois pas annuler, mais je dois inviter quelqu'un d'autre, là. J'ai des billets pour une pièce de théâtre au Diamant, et j'en achète toujours deux pour moi et pour la fille de ma soeur. Parce que on va manger avant, tu sais, on s'en va dans un endroit où on peut manger du steak, parce que moi, c'est du steak, hein, steak bleu, vous le savez. Et il y a deux endroits que j'adore, là. Je peux pas les nommer parce que ça fait de la publicité, là. Un restaurant qui est à droite et un autre qui est à gauche, mais tout près un de l'autre, là. C'est à l'intérieur des portes. Saint-Jean, pour les gens qui connaissent, si vous êtes de Québec. Si vous êtes du Népal, ben en avion, je vous conseille fortement. Quand vous descendez un peu plus bas là, pour voir la ville de Québec, puis qu'on vous place en parachute, là, parce qu'on peut pas. Vous êtes des Népalais, donc votre arrêt n'est pas là, c'est à Montréal. Mais on fait même pas un dépôt de tour parce que pour arriver hein, du Népal à Montréal, il faut passer par Québec. Vous saviez pas, vous venez de l'apprendre. Et, moi, écoutez, moi, je suis comme le docteur Guérito. C'est le docteur Guérito qui en remet. Moi, je sais tout et je vous divulgue ça en parcimonie parce que vous pouvez hein, vous perdre en conjoncture. Puis, ah, qu'est-ce qu'il m'a-t-il dit? La terre n'est pas ronde, n'est pas plate. Oh non, non, non, elle est pleine de crevasses. Ah, ah, ah. Mais bon. Puis, ça peut briser aussi votre semaine. T'sais, si je vous dévoile des choses, hein, savoir que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, c'est comme savoir une information que personne ne connaît. Ça vient-tu de détruire votre journée, ça? Heureusement qu'elle elle commence. Il me semble que ça brise un lundi, hein? Toute la semaine, hey. Faut que je te parle de quelque chose, là, Marita. Là, on va faire un petit souper mercredi ensemble, un repas, un souper. Puis on va déboucher une bouteille de vin. Puis il y a un animateur d'Errance Renadienne, c'est KRL. Moi, c'est KRL. Je suis membre depuis 40 ans, c'est KRL. Moi, je ne peux pas rien faire d'autre que je ne vis que pour c'est KRL. Et puis là, l'animateur m'a dit quelque chose. Puis c'est pas juste un animateur, lui. Hein. Il produit, il réalise, il s'en va à Paris se rencontrer des artistes. Il ramène ça chez lui, fait du montage. C'est un malade. Il adore les alliés, il adore la création, il adore la radio, il adore c'est KRL. Et pour ça, il donnerait sa vie, quoi qu'il l'a donné un peu à tout le monde. Mais c'est KRL, non, non, c'est sa raison de vivre. Le jour où il sera plus à c'est KRL, il se demande même où habitera-t-il sur la croûte terre. Bon, la croûte, c'est la croûte, et puis bon, on verra. Et puis, là, viens-t'en, ma chérie. Là, non, ne préparons rien, allons dans un restaurant. Bon, il m'a expliqué qu'il y avait des restaurants où on pouvait manger de l'excellente viande. Puis je sais que tu es végétarienne, mais pour ce soir, s'il vous plaît, là, je veux que tu te mettes dans le bain parce que ce qu'il m'a dit à la radio, parce que moi, quand j'écoute la radio, il me parle à moi. C'est ça la radio, contrairement à la télévision. La télévision, on dirait que le message va au peuple. Mais c'est dans la singularité, hein, c'est dans la singularité que la radio prend son sens. Et que la télé le perd, le sens de l'humour, depuis qu'il a le sens des affaires. C'est que RL a le sens des affaires, le sens de l'humour, a tous les sens du monde. Et puis même l'émission qui décroche un peu, qui donne un mauvais sens ou un sens nouveau, c'est Errance Renadienne. Et puis, là, on vient à ma chérie, là, je te paye pour une fois, je te paye le lunch. Un maudit bon lunch, le steak. Tu choisiras ta cuisson. Comme tu n'aimes pas la viande, tu vas prendre ça bottine, là, trop cuit. C'est tellement cuit que quand on parle de choses sérieuses, quoi que ce que je vais y dire, là, elle n'en reviendra pas. Là. Je pense qu'elle va cracher son steak, ou en tout cas, elle va rester coincée dans le gorgoton. Puis c'est pas mal parce que oui, je l'ai assuré, moi. Ah oui, je me suis assuré d'avoir beaucoup d'argent si elle n'assure plus sa présence sur Terre. Ah oui. Mais là, elle a mangé. Quand tu as eu de la viande, là, tu sais, tes versions tofu. Ton steak, tu le prends très cuit. Moi, j'aime pas ça le sang. J'aime pas ça, moi, quand ça goûte. Ben là, sinon, on prend un verre d'eau. Ça va me coûter moins cher, mais on va manger des steaks. Et là, je l'ai placé vis-à-vis moi. Puis, normalement, c'est côte à côte, hein, pour pas qu'on se voit. Elle me trouve tellement libre. Elle a raison. En vieillissant, oh mon Dieu, tout me tombe. Et là, on commande une bonne bouteille quand même. Hein. On a les moyens financiers. Surtout son bonhomme. C'est moi son bonhomme. Surtout son bonhomme. Ah, il y a les moyens. Et j'ai dit, nous allons prendre un muscadet. Je me sens plus muscadet ce soir que Pinot. Alors, on commande un bon muscadet rouge et puis elle aime mieux le blanc. Mais j'ai dit, garde, ça va embrasser ta bouche et tu vas en redemander une deuxième bouteille. Fait que là, je suis très protocolaire. Et je lui verse la coupe, je lui fais goûter. Et puis, comment tu trouves-tu? Mais pour un rouge, c'est bon. Bon, parfait. Fait que là, je lui remplis sa coupe. Parce que c'est comme ça, hein? Tu fais goûter la femme avant, après ça, c'est l'homme. Et moi, ben là, je m'en verse un bon. Puis j'en prends deux, trois gorgées dans la bouteille parce que j'ai. Faut que je t'explique ce qui s'est passé à CKRL. Elle a dit, voyons donc, hein, toute la semaine, là, hein, heureusement qu'on est nombré mercredi, là, parce que je me suis dit, il se rendra pas à vendredi, non. Et lundi, là, il a ouvert son émission en disant, t'es-tu prête? Ben oui, vas-y. Moi, je suis moins fragile que toi, ça, c'est vrai. Il a dit que. Si la vie ne vaut pas la peine. Attends, peu, là, comment tu as dit ça? Si la vie ne vaut pas la peine d'être. Non. Comme si. Il disait, attends, peux-tu remettre la cassette? Savoir que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Oui. C'est comme savoir une information que personne ne connaît. Ouais. Mais c'est comme une clé qu'on vient d'ouvrir. Et là, le coffre vient d'évacuer une phrase exceptionnellement ravageuse. Ben oui, mais il fait ça comme ça, lui. C'est de l'humour, mais c'est pas humoristique, ça! T'as raison. C'est fataliste, mais la vie est fataliste, hein? On vit pour mourir. Ouais. Mais savoir que la vie... Ben oui, mais il a raison. Tu trouves qu'il a raison? Ben voyons donc. Commande deux bouteilles de muscadet, puis moi, tout te raconter la vie. Tranquillement, doucement, lentement. Bon, normalement, on devrait passer à la chanson, mais l'animateur n'a pas le goût. Non, c'est vrai, j'ai pas le goût. Alors là, actuellement, n'importe quand, le téléphone peut sonner. Peut-être c'est un voisin. Hey! Baisse ta musique! Arrête de parler fort! Hey, wow, là, nous sommes... Hein, il est minuit, on embrasse le 19, presque le 20. Le 20, 20, jusqu'à... Hein, le 20 du repas? Oh, ça a tout un... Ça a un lien, hein? Ça, c'est pour les gens un peu plus évolués. C'est ceux qui écoutent la... C'est beau, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ouais, mais ils se disputent à la radio, hein, mais... Ils ont des points de vue, hein? Ils ont des points de vue. On voit rien, c'est de la radio. Ouais, non. Des points de vue au niveau des idées. Ouais. Des idées de même. Moi, là, je pense bien que ma canisse, là, quand elle a plus de peinture dedans, elle a la même réflexion que ça. Ouais, tout le monde pensait ça. Ils vont faire une ligne ouverte, là. Ouais, mais tu parles d'une question. Êtes-vous pour ou contre? Toi, es-tu pour ou contre? Ça dépend de quoi? Ça dépend quoi? Ben, c'est ça. Il a même. Les animateurs. Tu sais, il en met trois. Il y a l'animateur, les deux co-animateurs. Il y en a trop de monde là-dedans. Ça prend trois têtes pour en faire une. Tandis qu'à CKRL ou les radios associatives ou les radios communautaires, en même temps, je lancerais sur le même champ, la même éclosion sonore. Les radios d'État qui nous offrent de l'intelligence bord en bord. Ils n'ont pas besoin de 4-5 animateurs pour le. Là, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. On s'en fout que tu sois d'accord ou pas. Donne-nous les faits. On est assez intelligents pour prendre nos décisions. Je parle ma langue française se fourchette dans le spaghetti de l'avenir. Surtout avec la sauce. Moi, c'est les petites boulettes, mais. Plus petite que grosse. Et à un moment donné, quand tu achètes dans des... Savez-vous qu'il y a du monde? Ben, du monde, je ne sais pas si c'est encore du monde. Si vous en faites partie, écrivez-moi à Rénal Québec en commençant le bagam. Pardon? Rénal Québec, RAYNALD, QUEBEC, à commercial, hotmail.com. Écrivez-moi. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire? Il nomme son adresse, mais c'est plus ce qu'il voulait dire. Mais il voulait dire que, ah oui, en canne, le spaghetti en canne, les grosses boulettes, là, je les mange pas, je les donne à mon pitou, à petit Benjo. Benjo adore la boulette. Mais là, j'enlève la sauce. Parce qu'il y a tellement de chimiques, moi, je suis capable d'absorber, mais lui, il est toujours habitué de manger quand même, hein, la nourriture de bourgeois et de roi. Pourquoi s'abaisser au prolétariat? C'est une question. Pourquoi ça pencher et rester coincé? Le mal de dos, là, ça commence comme ça. Faut faire attention à tout. à notre langage, aux discussions qu'on tient et surtout au téléphone qui risque de sonner en tout temps pour couper notre rencontre radiophonique pour que je bondisse dans un taxi et je vais prendre celui qui roule le plus rapidement possible. Mais si tu sens que le gars, tu sais, ou la fille, celle qui nous sert ou celui qui nous sert de chauffeur, va pas très vite, là, tu lances le défi de l'argent. Écoute, là, il y a minuit 21, on est lundi, c'est tranquille, c'est la route, là. Je te donne 30 piastres de plus si tu dépasses. Dépasses quoi? Si tu dépasses la vitesse que l'on nous donne sur l'autoroute. Ah, oh, mais on peut pas faire ça, on peut pas faire ça, là. Vous avez raison, c'est moins débécile, non, mais sur le gros stress, là, parce qu'elle va coucher. Mais oui, elle va coucher. Tout le monde accouche, mais non, donc, oui. Vous avez accouché, ça, M. Tremblay. Vous avez de quoi avez-vous accouché? J'ai accouché dans ma vie, moi, je suis un architecte, j'ai accouché de 52 maisons en bois flottant. Là, ils sont partis, je peux même pas te montrer, ils sont montés dans le ciel, c'était du bois trop flottant, puis en plus, les gens qui ont vu ça à la télévision, parce que c'était unique, ce qu'ils m'ont demandé, c'est de mettre des ballons gonflés à l'hélium, donc c'est partout dans le firmament. Mes maisons, c'est, quand tu lèves la tête, c'est peut-être un avion, peut-être un ovni, mais c'est souvent mes créations qui sont là. Alors, tu prends des longues vues, des jumelles. Si t'as pas des jumelles, les jumeaux fonctionnent pas. Ah non, les jumeaux, j'essayais de mettre une paire de jumeaux là devant les yeux. Ah mon Dieu, ça mordait l'œil, hein? Les jumelles, ben là, c'est... c'est plus intéressant. Mais sinon, si t'as les lentilles pour les deux yeux, pourquoi si il y a juste un œil qui fonctionne, là, tu prends ce que tu veux, mais pour voir de loin. Faut que tu voyes loin. Ouais, il faut voir de loin. Toi, tu vois de loin. Ah, t'as un problème, hein, linguistique. Parce que plus tu weighs, moins tu vois. Moins tu vois, plus tu weighs. Ça, c'est clair. To get down, all the way down. She do you one way. She do you tire. Chop a little wood for the fire. Poke it around, if it died down. Oh yeah. She was a fine girl. She go up in the morning. She go down in the evening. All the way down. Wishes, your wishes, silverware too. She make it look brand new when she get through. Oh yeah, she was a fine girl out of this world. This kind of towel will. got a towel. Will we need some more like that? In this kind of towel. Mais moi, moi, je ne suis qu'une chanson. Non, moi, tu sais, je fais pas trop partie de la... En fait, j'ai pas mon mot à dire. Je vais vous dire, concernant le petit qui va venir au monde là, dans quelques minutes, quelques heures, quelques jours, mais pas quelques semaines. OK? Il y a les parents de la fille, la mère de la fille de ma soeur. Attends un peu, là. Ma mère chantait toujours là. Non. Ma soeur a une fille. Bon. Et puis, elle a aussi un mari. Okay, je parle de ma soeur. Et puis, de l'autre côté, du côté de son copain, il y a la même chose. Puis là, moi, ce que je trouve assez extraordinaire puis inquiétant là-dedans, c'est que même les grands-parents donnent leur grain de sel sur le prénom que les futurs parents veulent donner à leur enfant. Hey, t'as rien à dire, c'est pas ton choix. Toi, tu l'as donné, le tien. T'as-tu demandé à ta... Ouais, là, mais c'est une autre affaire. Si toi, t'as demandé à tes parents, hein, papi, hein, comment devrais appeler ma petite fille? Ben moi, écoute bien! M'en va te le dire. M'en va rester ici, mais m'en va te le dire. Oui, ben je peux pas en avoir. Ta mère peut pas en avoir. Elle est plus capable, tu sais. C'est comme le magasin fermé, là. Puis même, il a jamais été ouvert. C'est moi qui avait les clés, fait que je rentrais. Ça fait que... Non, c'était comme ça dans ce temps-là. Là. Aujourd'hui, hein, tu veux pas? Non, agression, télévision, on est en prison. Bon! Mais avant ça, c'était pas... Hein? Pardon? Vous avez pas de décodeur? Vous avez pas... Voyez donc, vous avez pas acheté votre décodeur. Depuis le temps que ça existe, cette émission-là, là, presque 19 ans. Pas de décodeur, juste du plaisir. Parce que c'est vous qui pouvez imaginer ce que j'ai voulu mentionner. Fait que, en tout cas, les parents des enfants qui, eux, vont avoir des enfants. Moi, j'ai de la misère avec ça, tu sais. Je m'envole, je ne peux me censurer. On n'emprisonne pas les gros élans. Quand t'es trop gros, tu voles pas, tu planes vers le sort, dans l'eau, ah ouais, donc tu te noies, tu meurs. Et puis, non, mais je trouve sincèrement que les parents des enfants qui vont avoir des enfants, ont rien à dire. Ben moi, la fille de ma soeur me dit, ah ben, on a plusieurs prénoms sur la table. J'ai dit, ouais, mais là, les enlevez-vous quand vous mangez, là, parce que ça peut salir, là. Les petites graines sur les prénoms. Non, c'est une manière de parler, là. Tonton, parce qu'il m'appelle tonton, les deux, hein. Le fils de ma soeur et puis la fille de ma soeur m'appellent tonton. Ah, ils ont 34 puis 33 ans, tonton. J'ai l'air de quoi lorsque je les amène au restaurant? Ah, je sais pas, un restaurant très chic, là. Chez Ephraim LM. Avez-vous déjà mangé chez Ephraim LM? Ah, mon Dieu. Les tortillos, là. Moi, j'ai ça, les tortillos. Mes enfants aiment ça, les tortillos. On va manger des tortillos. Vous voulez manger ça, moi? J'amène mon steak, je leur dis de faire cuire ça bleu, puis je mets ça avec de la petite patate. Là, ils disent, on n'a pas de patate. Nous, c'est des pâtes. Des pâtes du spaghettis. Mais pas du spaghettis véritable, c'est du vermicellise. Parce que moi, le spaghettis, je m'étouffe. Vermicellise, c'est plus tranquille. Dans le fond de la gorge. Mais on me dit, ben oui, mais mastic, Bertrand l'a fait. Puis c'était pas lui qui chantait. C'était sa belle-sœur, la productrice. Roger Dupuis, une méchante productrice. Elle avait du poil en tout partout. Puis j'ai rien contre le poil. Moi, je trouve que le poil détermine le genre humain. Si le singe n'avait pas de poil, mon dos qui serait de mauvais poil. puis le mauvais poil, puis le bon poil, comment tu peux trouver ça là-dessus, là, tu sais? Tu dis, ben, étale-toi, puis là, tu regardes ça. Non, ben, lui, d'après moi, là, t'as pas bon. Ah, c'est un beau poil, ça. C'est un bon poil. Ah, oui, ah, oui. L'autre, ah, ben, lui, oh, c'est un mauvais poil. Puis là, tu oses dire, veux-tu que je te l'arrache? Tu sais, tu dis ça, une phrase à l'arrache comme ça, là, hey. Et puis là, mais c'est un singe. Hein? Ben oui, parce que là, l'animal qui est là, c'est un singe. C'est pas ta belle-sœur, là. Ta belle-sœur est partie. Gagner sa vie. Aux États-Unis. Ben oui, ben oui. Ben on l'a fait, hein. Mais non, mais. Art! C'est. Hein, pardon? Qui a parlé? Art! Ah oui, en Alaska. Vous êtes en Alaska, vous? Art! Ok, parfait. Restez-y. Art! Parfait. Aimez-vous ça, l'Alaska? Art! Ben, on dit souvent là, que les gens en Alaska, là, parce qu'ils ont des choses à cacher, s'en vont loin. Il y a un passé. Il y a un passé, comme disait l'autre, un passé dépassé, mais un passé qu'on veut oublier. Moi, j'aimerais ça aller en Alaska. Pas en Alaska, en Alaska. Ah oui, l'Alaska, c'est mieux que l'Alaska. Parce que l'Alaska, on glisse. L'Alaska, là, c'est. Tu sais, la neige est encore onctueuse. Tu peux pas te péter la gueule, là, parce que t'es en Alaska. Si t'amènes une Française, tu dis, on va en Alaska! Oh, arrête, on va se péter la gueule. On va se péter la gueule, viens avec moi, on va à la même place, mais c'est en Alaska. Tu peux mettre tes bottines souriantes ou tes bottines, même si tu souris pas, mais mets ce que tu veux dans tes pieds, mais je te conseille pas d'enlever tout ça. Je veux dire, pas de tes vêtements, là, mais enlever ce que t'as en dessous, là. Ben, pas en dessous de tes vêtements, là, mais en bas. Bah, arrête! Mon oncle est fâché. Non, mais... Non. En fait, place-toi dans les pieds quelque chose qui pourrait être plus confortable que tes talons hauts. Moi, j'haïs ça, les filles en talons hauts. Je te l'ai dit, là. C'est pas bon pour ton dos. Puis garde ton riz. Si tu veux... Faire attention à ton dos, garde ton ré. Reynald! C'est bon, hein? C'est pas bon du tout. C'est même triste. En ont pleuré. Bon, ben écoute, on va pleurer ensemble. On va pleurer ensemble, puis ben oui, ben ça fait du bien, ça vide le méchant, ça enlève le méchant, puis ah mon dos, ça fait de la béchamel. On y va, on pleure-tu ensemble? Hein? Puis si on peut. Non, mais si on est convaincant, il y a des gens qui vont nous utiliser. Vont nous utiliser. Non, c'est pas une bonne phrase, c'est pas un bon mot, non. Vont nous demander de travailler pour eux dans des centres. Pas de descendre, dans des endroits où on place des gens qui ne sont plus trop vivants. Pour ne pas dire morts. Puis que bon, tu sais, tout le monde est là devant le défunt. Devant la dépouille, devant la dépouille. Ah, quel mot, dépouille. Je peux te dire, hey, je me suis dépouillé. Non, mais encore là, dépouille. Ah. Hey, ça fait 3 jours que la lumière allume plus, là. Peux-tu enlever la dépouille? C'est pas la dépouille, c'est enlever l'ampoule. Ah, l'ampoule, pas la dépouille. Ah, mon Dieu, on confond tout, hein. Moi, là, j'ai confondu souvent mon mari avec mon voisin. Ben oui. Puis ma femme, non, la femme de sa sœur, hey, là, c'est mêlant, hein? On va revenir à la normale, faites-vous-en pas. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. La femme de la sœur du beau-frère, de la tante de Régine, ils chantaient des bonnes chansons, ils ont voulu faire une chorale. Mais il n'y avait pas de chœur. Ah, quand tu peux faire une chorale, il faut avoir au moins un chœur qui bat. La mesure. Puis surtout, si tu veux aller plus loin... Dans la stratégie, dans la démesure. Merci, madame. Vous êtes bien gentille, madame, de souligner que nous sommes assez cohérents, madame. Merci beaucoup, madame. Non, mais quand même, on oublie souvent de dire merci à CKRL, de nous émettre, et la mademoiselle a nous le dit. Mais encore merci, hein, vous pouvez partir maintenant. Merci. Bonjour. Bye bye. À la prochaine. Je vous embrasse. Au revoir. Bye bye, madame. Bye bye. Au revoir. Ça, c'est la madame qui marche. Vous allez me dire qu'elle a un pas chaotique. Mais la madame est fatiguée, hein? Ça fait combien de fois que vous dites ça aujourd'hui, madame? Ça fait cinq fois en quoi? Ah, 20 000! Ah, mon madame, bonjour, au revoir. Vous êtes vraiment... Vous avez la voix de CKRL, on vous aime. On vous embrasse, OK? Non, embrassez-moi pas, vous. OK, je vous embrasserai pas, madame. Au revoir. Bye-bye. Bon, elle est partie, elle s'en va. La seule émission... Merci au bruiteur. La seule émission où l'animateur se veut sous la supervision du docteur Mabuse. Ah ouais, ma petite, ah ouais, ma petite jument, deux beaux chants vont s'en vont baignant. Je l'aime celle-là, je la chante souvent, ben oui. Ah ouais, ma petite jument, ouais, ma petite. Un nouveau numéro d'improvisation s'ouvre à l'instant. Mon doux, je respire comme un porc. J'ai tellement compte de... Qu'est-ce qui se passe? C'est des spasmes. Je me suis fait opérer au niveau naso. Nazi, t'es un nazi? Non, nasal, non, le nez. René, c'est le nez. Il y a un nouveau numéro d'improvisation s'ouvre à l'instant. Le cabinet d'errance. Monsieur René. René Ninoigné. Bonbon d'enchanté. Sur un souffle, une phrase, voire même un adage, là, les gens n'ont rien compris. C'est un nouveau numéro d'improvisation qui s'ouvre à ce moment précis. Le cabinet d'errance. Sur un souffle, une phrase, voire même un adage, débutera une étrange structure narrative. Allumons-nous cette semaine avec un slogan rénaldien qui part comme ceci. Veux-tu partir, s'il vous plaît, Ginette? Merci. Si tu veux prendre la porte, la porte d'escampette, on n'avait pas ça, la porte d'escampette. Prends-la, la porte d'escampette. Ah, oh, elle vient de la prendre, la porte. Hein. Moi, j'y dirige, je l'amène, j'ai le bras. Claude Ryan, un premier ministre. Est-ce que c'est déjà été un premier ministre? Un ministre québécois voyait la main de Dieu, mais moi, j'indique la main à l'extérieur des studios de TKRL, madame. Alors, le mot qui nous fera divaguer, si divagation il y a, là, parce que c'est le plus difficile des je trouve que ce nouveau truc-là, là, c'est casse-gueule, parce que c'est compliqué. Pour vivre heureux, il faut m'avoir et me limer le bonheur, mais non, un bon temps dans la nuit. Non, c'est pour vivre heureux, il faut savoir aimer. C'est pas ça. C'est pas une chanson, là. C'est pour vivre heureux, il faut s'abandonner. Il faut s'abandonner, mais pas à la première venue, là. Hey, moi, j'ai vu un ovni descendre ici à Limoilou la semaine dernière, là, dans le parc industriel avec des seringues, puis, joncher de seringues. Et là, il y a un extraterrestre qui est descendu. J'ai dit, attention pour pas vous piquer, vous. Il dit, ah, nous, il n'y a pas de problème, on l'évite les seringues. Non, on marche sur. Oh! Avez-vous déjà connu JC? JC, lui, marchait sur l'eau. Vous marchez sur les seringues. Êtes-vous dans la même famille? Ah non, mais moi, je suis un extraterrestre. Ben oui, mais JC, c'est quoi, lui? Ah, lui, c'est un envoyé de bœuf, pas de bas. Non, c'est pas vrai. C'est pour ça qu'il y avait un bœuf, il y avait un chameau, puis il y avait Zachary, non. Il y avait un chanteur folklorique. Mais non, pas le chanteur folklorique. Non, je ne connais pas le chanteur folklorique, mais je connais le bœuf, hein, je connais le chameau, je connais... Ah, c'est Serge Bama. Oh, mon Dieu, Serge Obama. Après ça, on a dit, tu seras un premier ministre, très cher. Et puis là, ben, Obama, il a pris cette blague au sérieux et il a construit sa vie là-dessus. Il est parti aux États-Unis et il s'est fait voir de tous ses confrères et consœurs. Et croyez-moi, des cons, il y en a. Et il s'est dit, pour vivre heureux, il faut savoir modifier l'univers. et savoir s'abandonner auprès des connaisseurs. Et comme il n'y en a pas tant que ça, il y a beaucoup de charlatans là-dedans. Oh mon Dieu, du charlatan, là, il y a beaucoup de ding-dong, hein? Dans le sens que ding-dong, t'ouvres la porte. Bonjour, madame, moi j'aimerais ça vous vendre cet aspareil-là. Qu'est-ce que là, cet aspareil-là? Cet aspareil-là est fait pour aspirer toutes les aspareils sur votre sofa, monsieur, monsieur, madame. Ouais. Est-ce que je peux rentrer avec tous mes ingrédients puis mettre ça sur votre sofa puis aspirer ça? Cet aspirateur-là peut le faire, madame. Ouais. Madame, hein, c'est pas cher cet aspirateur-là, vous pouvez l'acheter en 5 versements. Ouais. À chaque fois que vous payez, là, on vous donne le boyau pour la première fois, après ça, on vous donne les accessoires après, puis à la toute fin, là, au 5e versement, on vous donne l'aspirateur. Ouais. Puis si ça se brise, là, madame, là, ben vous restez avec l'aspirateur. Ouais. Alors, est-ce que ça vous tente, madame, d'avoir l'aspirateur? Ouais, mais j'ai pas de tapis. Ouais, mais vous avez des divans. Ouais, mais ils sont en plastique. Oh, oh, excusez-moi, madame, alors je m'en vais. Bye-bye. Bye-bye. La seule émission où l'animateur se veut sous la supervision du docteur Mabuse. Encore et encore, replaçons les pendules à l'heure. Repassons sur un... on va repasser sur Georgette. Georgette, on peut-tu te repasser? Mais là, vous m'avez repassé 3 fois cette semaine. Oh, c'est vrai, excusez-moi. Il n'y en a pas une autre, là? Repassons sur l'histoire comme un laboureur à peine bourré. Relatons la biographie d'une icône illustre du passé revisitée ici et maintenant. Ben oui, on nous a fait croire plein de choses concernant Michael Jackson. Saviez-vous que Michael Jackson s'appelait Michel Sanson? Hmm? Saviez-vous qu'il habitait le Vieux-Québec, plus précisément la rue Sainte-Famille? Hmm? Saviez-vous que Michel Sanson, c'était mon voisin du 2e palier vers la droite? Ben oui, régulièrement, il voulait que j'aille promener son singe, Monsieur Sanson. Il adorait les singes, puis il trouvait que j'avais une ressemblance aiguë avec cet animal précaire. Mais quoique, le singe est plus naturel que l'humain, hein? Tous les animaux sont moins dénaturés que le genre humain. Oh, c'est vrai, ça. Alors, le singe de Monsieur Sanson... Ben, c'est vrai. Est-ce que c'est... Premièrement, c'est le frère de Camille Sanson. Qui c'est, ça, Michel Sanson? Mais ça, c'est un gars qui voulait être un artiste, pour, je veux pas la rechanter, là, pour tout avoir changé de peau, et pour pouvoir me trouver beau, sur grand et grand couleur. Il voulait se voir sur un écran gigantesque, HD avant le temps. HD, ben HD avant le temps. Là, il y avait des frères, des sœurs, mais surtout des frères. Les sœurs, ça se montrait les seins, ça avait déjà 3 ans, puis... Putain, monsieur, ça voulait relancer leur carrière en se montrant la poitrine. C'était pas trop intéressant à 3 ans montrer la poitrine, mais à 40 ans, là, hein? Wow! Tout le monde étudie ça, là! Est-ce que c'est naturel? Est-ce que c'est refait? Est-ce que ça a été retouché? Si oui, quel docteur? Quel manipulateur précoce? Et puis là, Michael, lui, voulait se distinguer. Alors donc, avec ses frères, au début, il chantait... Ah, non, non, non, non, non, non, oui, oui, oui. Il chantait presque en chorale, mais il dansait. Il s'est rapidement sorti du peloton. Qui? Du peloton. Oh, du peloton. Ben oui, du peloton, de l'ensemble de ses congénères, de ses semblables, de son groupe sanguin, pour faire cavalier seul. Avec son cheval blanc, Michael Jackson, le noir plus que blanc, a franchi toute la stratosphère américaine pour devenir une vedette montante mondialement connue et adulée de tous. De tous. J'ai une toux, moi, là. Est-ce que c'est de tous? De tous ses fans, ses ventilateurs. Et chaque ventilateur voulait avoir un album de Michael Jackson. Hein? Ah, il voulait avoir Thriller, il voulait avoir avant, c'était quoi, là? C'était bad, hein? C'était mauvais. Pourquoi le mauvais? Pourquoi je suis mauvais? Comment extirper mon mauvais? Veux-tu chercher mon mauvais? Les petits garçons, laisser venir avoir les petits enfants. C'est pas lui, ça. Ça, c'est Jésus. Tu te trompes avec Jésus. Michael Jackson puis Jésus. C'est pas la même affaire, là. Ah, ouais, c'est vrai. Je suis complètement. Puis là, Michael, il est arrivé aux États-Unis. Il voulait pas se faire appeler Michel Sanson. C'était pas vendeur. Quoique, il y a bien Michel Sanson qui a fait des carrières au Québec. Mais quand t'es aux États-Unis, il faut que ce soit la Touch English. Fait que là, il dit Michel, Michael, puis Sanson, Sanson, Chanson, Sanson, Jackson, Chanson, Chanson, Jackson, Jackson, Jackson, Michael Jackson. De Sanson à Jackson. Ça prend pas grand-chose, hein? C'est des virgules, ça, là. C'est la consonance à même, hein? Sanson Jackson. Hey! Puis là, son vieux Québec, là, il l'a oublié. Sa rue Sainte-Famille, il l'a oublié. Son Rénal, il l'a oublié. Son singe, il l'a pas oublié, son singe. Il en a pleuré un coup. Mais quand même, il m'a presque pour... Il n'a jamais effacé mon visage de sa mémoire, puisque plus il voyait son chimpanzé, plus il me revoyait à travers lui. Moins poilu, plus grand, plus bedonnant et plus rigolo, sans doute, qu'un singe. Voyons donc, des images de singe, d'une face de singe. Je connais Jean-Luc Boudreau, là, une méchante face de singe, ce gars-là. Là, puis on rit plus quand on le voit, on a peur. Tout le monde court dans tous les sens comme si c'était le 11 du 11 du 11 du 11, puis il y avait des missiles qui tombaient sur la crouse. La course. Tout le monde c'est épouvantable. Enjoy, enjoy, enjoy, enjoy, enjoy, enjoy, enjoy, enjoy, enjoy, enjoy, enjoy, enjoy, enjoy, enjoy, enjoy, enjoy, enjoy, enjoy. Enjoy, enjoy, enjoy, enjoy, enjoy, enjoy, enjoy, enjoy, enjoy, enjoy, enjoy, enjoy, enjoy, enjoy, enjoy, enjoy, enjoy, enjoy, enjoy, enjoy, enjoy, enjoy, enjoy, enjoy, enjoy, enjoy, enjoy, enjoy, enjoy, enjoy, enjoy, enjoy, enjoy, enjoy, enjoy, enjoy, enjoy, enjoy, enjoy, enjoy, enjoy, enjoy, enjoy, enjoy, enjoy, enjoy, enjoy, enjoy, enjoy, enjoy, enjoy, enjoy, enjoy, enjoy, enjoy, enjoy, enjoy, enjoy, enjoy, enjoy, enjoy, enjoy, enjoy, enjoy, enjoy, enjoy, enjoy, enjoy, enjoy, enjoy, enjoy, enjoy, enjoy, enjoy, enjoy, enjoy, enjoy, enjoy, enjoy, enjoy, enjoy, enjoy, enjoy, enjoy, enjoy, enjoy, enjoy, enjoy, enjoy, enjoy, enjoy, enjoy, enjoy, enjoy, enjoy, enjoy, enjoy, enjoy, Yeah, those are around. Maintenant, voici une auteure, une compositrice, interprète, une fille d'une sensibilité sublime. Je vous présente Kel K. À toi, mon ami. Aujourd'hui, docteur, j'ai envie de vous parler de mes rêves. Je crois que mon célibat me pèse. Vous avez le doigté dans ce domaine, c'est vous l'expert. Alors je vous épargne les préliminaires. Lundi soir, j'étais dans la position d'une poire dénudée à la peau satinée. Un chaud chocolat noir glissait lentement sur mon corps. Regardez, j'en frissonne encore. Docteur, entre nous, vous ne pensez pas que je suis en manque, je suis en manque. Ça boue comme dans la soufrière. Je suis en manque, je suis en manque. Ça me chatouille la jardinière. Je suis en manque, je suis en manque. Ça boue comme dans la soufrière. Je suis en manque, je suis en manque. Je voudrais passer au dessert. La nuit de mardi, je voyais de loin des petits lapins roses avancer le sourire aux lèvres. Au pas cadencé, ils agitaient leur instrument, se vantant qu'avec eux ça durait plus longtemps. Moi on les m'attendait, comment vous dire ça. J'étais en maillot de bain, mais je n'avais plus le bas. Et je me suis aperçue que j'avais ôté le haut, sans complexe, une semaine plus tôt. Mais alors, vous étiez nue ? Eh bien oui, c'est ça, docteur, j'étais complètement nue. Docteur, entre nous, vous ne pensez pas que je suis en manque, je suis en manque. Ça chauffe comme sur la canne bière. Je suis en manque, je suis en manque. Ça me fait grincer la porte cochère. Je suis en manque, je suis en manque. Ça chauffe comme sur la canne bière. Je suis en manque, je suis en manque. Mon fantasme, le fer dans la mer. Et la nuit d'après, là, c'était le clou. En dalle de PVC, j'agrippais les parties intimes d'un mâle maigrichon qui me faisait pas du tout envie. Et hop, pourtant il a eu sa gâterie. De fil en aiguille, je suis allée au bout. Je me suis transformée en pulpeuse bouteille de soft drink. Secouez-moi, secouez-moi, je n'avais que ces mots à la bouche. On m'a décapsulée, et là j'ai pris mon pied. Ah, docteur. Oui. Entre nous, vous ne pensez pas que je suis en manque. Je suis en manque, ça brûle comme sur la gazinière. Je suis en manque, je suis en manque. C'est explosif comme un geyser. Je suis en manque, je suis en manque. Allez, montrez-moi votre clister. Je suis en manque, je suis en manque. Prenez-moi sur ce divan beurre. Allô? J'étais pas certain. Ça va? Ça va bien, quoi? Elle t'a pas changé. Ben non, t'en as ouais, vu. Ouais, oui. Un petit peu. Oui, un peu, oui. Et préfères-tu l'extérieur? Comme tu préfères. Ouais, oui, oui. Ben alors, ok, parfait, merci. Hé, hey, ça fait longtemps? Ben ouais, hé. Hey. Ben, j'ai regardé, on s'était vu le 4 février 2020, ça fait 3 ans. C'était en février, je pensais que c'était en juillet, moi. Non, c'était en février. Ah oui? Ouais. Ah, mais c'est fou. 2020. 2020, ça fait pile poil 3 ans, c'est le 4 février, comme aujourd'hui. C'est fou. C'est incroyable. Pour les gens qui croient à la numérologie et toutes ces choses-là, c'est gagnant. C'est hey, je t'ai vu sur Facebook il n'y a pas longtemps. Ouais. Avec tes projets, c'est très bien. Ouais, bah, je trouve qu'il y a comme une évolution rapide. Une évolution, ouais. Rapide. Rapide, je ne sais pas, mais ça super. Suit son cours, quoi. Ça suit son chemin. Je ne sais pas si ça dérange que je me place comme ça, non? Non, je ne pense pas. Les gens ont la place de passer. Alors, lorsqu'on s'est vu, quelqu'un, tu étais en plein... tu préparais, tu avais des chansons, tu préparais un spectacle. Ouais, je crois que j'étais en plein doute au moment où on s'est vu. Bonjour, allô? La chaise, elle peut pas rester comme ça. Ah, c'est ça que je me demandais aussi. OK, ouais, c'est ça, c'est pour ça que je m'informais. OK, parfait, c'est bon. Okay. Bon, bon. On va rester tout droit, monsieur. OK. D'accord. Merci, bonjour. Il y a des directives. Ben, c'est pas grave. C'est pas grave. On va juste reposer les... Voilà. Oui, donc tu travaillais sur un projet. Ouais. Tu commençais à évoluer. Tout à fait, oui, oui, oui. Puis aujourd'hui, ben c'est déjà, ça a explosé. Explosé! Ben, je veux dire, non, mais c'est déjà, non, mais il est au monde. Oui, oui, il est au monde et oui, oui, tout à fait. Alors, il y avait le spectacle, parce que oui. Moi, j'ai fait pas mal de scènes. Mais j'étais bien au chaud sur scène et j'avais jamais passé le cap d'un enregistrement officiel. Et là, je me suis décidée en 2021, tu vois, au printemps 2021, je me suis dit, bon, allez. Ça me paraissait une montagne d'enregistrer un album dans des bonnes conditions. Puis c'était en plus en pleine pandémie. Ouais, alors 2021, on sortait quand même de la pandémie, mais bon, ça restait quand même incertain, hein, c'est sûr. Et voilà, je me suis décidée, puis j'ai lancé l'aventure. Le temps de rencontrer, de faire les rencontres, de la rencontre avec la personne qui a réalisé l'album, donc un peu le directeur artistique, on va dire, et qui a fait certains arrangements. Le temps de faire tout ça, et maintenant il sort j'accouche au mois de mars. Ben oui, mais après beaucoup de, quoi, après au moins 3-4 ans de travail, ouais. Aussi de spectacle, donc ces chansons-là ont vécu sur scène, c'est ça qui est formidable. Ouais, ouais. Donc, c'est pas juste des chansons que tu as composées rapidement pour faire un album. Mais non, c'était déjà dans une valise avec, avec ton imaginaire qui était déjà là, avec la façon dont tu voulais présenter ces chansons-là. Donc, ils étaient déjà nés avant même d'être sur la pastille. Oui, ouais, exactement. Et c'est ça qui est beau aussi, c'est ça qui est bien. Oui, ouais, c'est chouette. Mais, ouais, mais quand tu l'écoutes, ça fait beaucoup plus ressenti qu'un album studio. Après ça, tu pars en tournée, donc ils ont vécu sur scène. C'est pour ça que si tu passes le cap de la scène, ben, c'est formidable parce que la chanson a survécu à quelque chose de fort. Ouais. Après, ce qui est peut-être un peu troublant, c'est que j'ai voulu que cet album, parce que sur scène, on est trois. Oui. Chant, guitare, percussion et batterie, et puis des chœurs. Mais sur l'album, je voulais quelque chose de plus fourni. Donc on a des invités, on a un bassiste qui manque maintenant cruellement sur scène, parce que quand t'as goûté à la basse. Après, on a une violoniste qui vient sur certains morceaux, une violoncelliste et un tromboniste. Et voilà. Du coup, elles ont un autre look aussi sur l'album par rapport à la scène. Et je trouve ça chouette, j'avais envie de leur donner une autre vie aussi. Mais il ne faut pas non plus oublier que sur scène, parce que je t'ai vu grâce à Internet, il y a une présence, il y a des lumières, il y a quand même... c'est travaillé, c'est pas un micro, une chanteuse, c'est vraiment tout un environnement sonore qui enrobe la chanson, qui la sublime, qui la rend plus formidable. Mm. Ouais. Et comment tu as fait pour recréer ça en studio? Est-ce que tu as voulu avoir, comme tu disais, beaucoup de musiciens, avoir un changement un peu dans la mélodie pour que ça transpire la scène, c'est ça? Alors, ça a été un travail complètement différent et assez troublant pour moi parce que j'avais jusqu'ici enregistré juste des maquettes, mais sans grands enjeux. Voilà, on passait une journée en studio et puis voilà. Non, là, ça a été plus de travail dans la dentelle. C'est complètement différent de la scène. Ça m'a assez... c'était à la fois très enrichissant et pour moi très perturbant, en fait. Très paniquant? perturbant, ouais. Ah ouais. Paniquant peut-être pas, mais j'étais pas hyper à l'aise. En tout cas, les premières journées où moi j'ai dû enregistrer ma voix, c'était différent parce que sur scène, tu donnes, et là, tu peux pas donner autant d'énergie devant un micro quand tu es en studio. Puis en plus, faire transparaître l'émotion tout en étant plus calme. Pas tenu, mais pas trop. Ouais, voilà. Puis surtout que c'est cette chanson-là qui reste, qui sera diffusée. Donc, est-ce que c'est la bonne voix que tu voulais emprunter? Est-ce que c'est la bonne intonation que tu voulais donner? Parce que c'est celle qui va rester. Ouais, c'est ça. Ça a été plein de questionnements. Franchement, ça n'a pas été facile. Mais parce que tu as été entourée aussi. Oui, j'étais aussi. Oui. Je l'écoute. Un thé, s'il vous plaît. Un coca, s'il vous plaît. Coca? Oui, merci. Vous voulez quoi comme thé, madame? Thé vert. Thé vert. Et donc, c'est parce que t'es... Oui, t'es vert. T'es vert. Mais parce que, est-ce que les gens t'ont dirigé un peu le couple avec qui tu étais? Est-ce que ça a été des bonnes oreilles attentives? Ouais. En fait, on a fait ça en deux phases. C'est-à-dire qu'on a enregistré toute la partie guitare, basse, batterie. Et moi, je faisais ce qu'on appelle le chant témoin. Mais ouais. C'était pas les voix définitives. Donc là, on était tous les quatre ensemble avec... Lucien Zérade qui a donc réalisé l'album. Donc c'était super chouette, vraiment super. Après on a ajouté les instruments, donc des percussions, pas mal de percussions, le violoncelle sur deux chansons avec Johan Matali, le violon sur trois chansons avec Noémie Le Born, le trombone avec sur trois chansons aussi avec Thomas Henning. Voilà, tout ça. Et à la fin, je suis venue enregistrer mes voix définitives. Et effectivement, j'ai été aussi dirigée par la personne, par Lucien, qui réalise l'album, pour la façon d'interpréter. Moi, j'avais bossé aussi en amont avec une prof de chant, qui est super, qui s'appelle Géraldine Ross. OK. Donc, pour voilà, j'ai... Comment transporter la scène à un micro studio? Ouais. C'est ça, c'est avec elle que tu as travaillé un peu là. Oui, tout à fait. Et puis, après le truc, c'est que je n'ai pas travaillé en cours de chant devant le micro studio. C'est encore autre chose parce que tu as le casque sur les oreilles. Ouais, ouais. Tu t'entends différemment de quand tu bosses sans casque, sans micro studio. Quoi. Donc, c'est hyper enrichissant. C'est un travail de dentelle. J'ai trouvé ça vraiment hyper précis dans les notes et dans les intentions. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Mais. Parce qu'il y a une spontanéité sur scène qui n'est évidente à retrouver non. En studio. Mais c'est vrai. C'est l'expérience aussi qui fait que. Mais est-ce que tu essaies de te mettre dans le bain du spectacle avec les lumières un peu tamisées pour te sentir à l'aise, un peu comme une scène quand tu es en studio? As-tu un petit rituel, des bougies ou c'est non, pas forcément. Froid, hein? Par contre, j'essaie d'être dans l'histoire que je raconte. Et c'est vraiment de bien raconter l'histoire de la chanson. Ouais. De sentir aussi la musique derrière. De bien l'interpréter. De bien l'interpréter. Ouais. Et d'être avec les musiciens derrière, même s'ils sont pas. Même si ça y est, eux, ils sont calés sur leur piste. Oui. Faut que je sois aussi. Puis même si c'est déjà enregistré, c'est ça que tu veux dire. Oui, c'est ça. Oui. Mais comment la voix. J'avais pas de rituel. Enfin, si, d'échauffement vocal, mais j'avais pas. Je me voyais pas forcément sur scène avec les lumières, le costume et tout. Mais avec la jeune dame qui t'a fait travailler la voix, qu'est-ce qu'elle te disait comparativement à la scène? De diminuer quoi? De diminuer l'intensité? Oui, il y a des choses que je faisais peut-être un peu trop en force. Merci. On a diminué. Après, c'était aussi des choses de technique pour que les sonorités soient plus rondes. Mais est-ce que tu le savais déjà ou si elle te le rappeler, est-ce qu'elle te l'a rappelé ou tu le savais déjà? Que je savais déjà. Ouais, mais comment la chanter, comment l'interpréter, comme tu disais, en arrondissant, en étant moins. Ben, c'est des choses, de toute façon, j'ai l'impression d'être toujours en chemin pour le travail du chant, la voix, ça se travaille tout le temps. Donc, il y a des choses. Après, parfois, j'ai pu prendre de mauvaises habitudes aussi en étant sur scène. Et quand on a essayé de retravailler là-dessus. Donc, je pense que je sais des choses, mais c'est tellement. Le chant, c'est tellement basé sur des sensations très fines à l'intérieur que c'est. Il faut du temps pour que les choses s'imprègnent. Mais est-ce que, une fois que tu l'as fait en studio, tu vas l'interpréter autrement sur scène? Ah ben sûrement que ce que j'ai fait en studio va m'amener à faire des choses différentes sur scène. Et même musicalement, on a fait un concert après l'enregistrement dans le nord de la France. Et donc en répétition, on a essayé de ramener des choses qu'on avait faites et qu'on avait trouvées pour l'album. Sachant qu'encore une fois, on n'était que trois sur scène. Ouais. Donc c'est quand même différent. Mais c'est fou. Donc c'est une chanson qui a vécu sur scène, sur disque, et qui va revenir au monde sur scène après avoir été pratiquée en studio. Oui. Donc c'est comme des versions différentes. C'est ça. Mais ça, c'est ce qui donne aussi une nouvelle magie, une nouvelle façon de réinterpréter. Oui. Mais est-ce que tes textes, écris-tu encore beaucoup ou si t'es resté sur sur ce que t'avais fait il y a 2-3 ans, là, quand on s'est rencontrés? Et j'ai pas compris le début de la question. Est-ce que tes textes... Ouais, as-tu réécrit pour le disque ou si t'as pris des chansons que t'avais déjà depuis 2-3 ans? Il y a des choses qui sont beaucoup plus récentes, en fait. OK. Ouais. Pourquoi? Ben, parce que j'avais envie... Il y a des vieilles chansons que j'avais pas forcément envie de chanter sur le disque. Et puis j'avais envie d'amener quelque chose un peu nouveau. Donc, parce que t'étais lassé un peu de les faire sur scène. Ouais. Puis ça montrait que peut-être qu'elles étaient déjà épuisées, fatiguées, et tu devais passer à autre chose. Oui, voilà. J'avais envie qu'il y ait quand même un peu de sang neuf dans l'album, et puis ça me tenait à cœur, parce que c'est des choses que j'aimais bien, j'avais envie de voir sur l'album. Ouais. Et puis il faut faire des choix. Oui, c'est vrai, c'est vrai. T'es né dans la banlieue de Cambrai, un jour où la neige tombait parmi les ch'tis et les ch'tivers. Ta mère passait l'éponge sur les bêtises de ton père. Mais à 15 ans, croix de bois, croix de fer, assise sur un trottoir rue d'enfer, t'as juré devant tes copines qu'un jour tu t'enverrais en l'air pour t'installer en Chine. Tu veux aller te faire voir ailleurs, parce que là-bas c'est toujours mieux. Tu trouverais sûrement ton bonheur à l'étranger sous d'autres cieux. Tu veux aller te faire voir ailleurs. 30 ans, tu te poses à Paris, mais l'avion tu l'as jamais pris. Chaque soir tu planes devant ton dîner. Bientôt c'est aux États-Unis que tu vas débarquer. Bien sûr tu ne parles pas l'anglais, but never mind, qu'est-ce que ça fait dans un peu moins d'un mois et demi. T'auras déjà le doigt pointé sur l'Inde, ou peut-être que ce sera la Russie. Tu veux aller te faire voir ailleurs, parce que là-bas c'est toujours mieux. Tu trouverais sûrement ton bonheur à l'étranger sous d'autres cieux. Tu veux aller te faire voir ailleurs, tes amis te le disent souvent. Change de métier sur le champ, hôtesse de l'air c'est plus trippant que d'être caissière chez Auchan. Ils ont beau se moquer de toi, c'est ton karma et tu y crois. D'ailleurs ton marabout le sent, il te voit déjà au Kazakhstan. Cinquante ans, tu prends de l'altitude, mais sans changer de latitude. Le nez collé au hublot de ta télé. Dommage, sur France 3, Thalassa n'est plus diffusée. Tu veux aller te faire voir ailleurs? Parce que là-bas, c'est toujours mieux. Tu trouverais sûrement ton bonheur à l'étranger, sous d'autres cieux. Tu veux aller te faire voir ailleurs? Parce que là-bas, c'est toujours mieux. Tu trouverais sûrement ton bonheur sous d'autres cieux. Tu veux aller te faire voir ailleurs? Parce que là-bas c'est toujours mieux. Tu trouverais sûrement ton bonheur à l'étranger sous d'autres cieux. Tu veux aller te faire voir ailleurs? Parce que là-bas c'est toujours mieux. Tu trouverais sûrement ton bonheur. Tu veux aller te faire voir ailleurs. Mais ça fait un album de combien de 10 chansons? 13. Oh, 13 chansons. 13 à l'intérieur duquel il y a un texte sans musique. C'est juste un texte que j'ai. Qui se trouve à la toute fin? Alors, on l'a séparé en deux parce que c'est un texte assez symétrique qui marche bien quand on sépare en deux. Ça fait deux parenthèses textuelles. Alors, de là, est-ce que c'est un album conceptuel? Est-ce que c'est un album avec une histoire où chaque chanson se défend sans faire un tout? Non, oui, c'est un album où chaque chanson se défend. OK. Mais à quel moment? Puis c'est ça qui est un drame pour l'auteur, compositrice, interprète. C'est que, oui, tu as des chansons. Oui, tu vas les mettre sur disque, mais à quelle place sur l'album? Ah oui, alors ça, c'est un gros travail. Oui, hein? Ouais. Oui, puis c'est qui décide? C'est toi, c'est ton groupe? Ben, je me fais conseiller aussi, mais par exemple, j'ai mis, une fois que j'avais toutes les chansons, alors elles n'étaient pas encore mixées, mais c'est ce qu'on appelle les mises à plat, je les mets dans une playlist SoundCloud. Il est content. Et puis je change l'ordre, tu vois, je me dis, tiens, ça, c'est vrai que cette intro-là, elle va bien avec la fin de l'autre chanson. Donc après, il y a plein de façons de se placer, c'est soit par rapport à la thématique, soit par rapport à la musique, c'est compliqué, donc c'est un choix. Mais c'est toi seul qui décidais ou si c'est le groupe qui décidait, qui pouvait parler, qui pouvait mettre son grain de sel? Sur le choix de l'ordre, oui. J'ai pas tellement consulté le groupe. En fait, je me suis fait accompagner aussi sur le projet par une personne qui m'a d'ailleurs fait rencontrer Lucien Zéra, le réalisateur. Donc c'est un coach qui m'a aidé parce que c'est un projet, voilà, il faut tenir la route, quoi. Et donc il m'a aidé, il m'a conseillé aussi sur l'ordre des chansons. Puis on a pas mal discuté. Donc lui s'appelle François Lauzet. Et voilà, on a choisi comme ça. Et donc ça n'a pas été très difficile, ça s'est presque intercalé normalement. Finalement, ça a été moins difficile que ce que je pensais. Ouais. Mais pourquoi tu as décidé de couper ton texte sans musique parce que c'était trop long? Ça... Non, c'est parce que je trouvais que c'était sympa d'avoir... C'est un texte qui parle du genre. OK. Où une future maman parle à son bébé. Donc le premier... Et elle lui dit « Je t'aimerai comme tu seras, ressemble-toi ». Et donc la première partie, c'est... Elle imagine que son bébé sera une fille. Et la deuxième partie, elle imagine que son bébé sera un garçon. Okay. Et du coup, on s'est dit, bah tiens, ça peut être sympa d'avoir deux fois le texte, mais enfin, on coupe le texte en deux. Mâle, femelle. Voilà. Garçon, fille. Ouais. Mais si on regarde tes premières chansons avec ce que tu écris aujourd'hui, vois-tu une évolution? Ou si, au contraire, c'est un fil Ariane, c'est quelque chose qui se tient, qui n'est pas très loin de l'ancienne époque? Moi, ça évolue forcément un peu avec nos expériences de vie et tout. Et puis voilà, on grandit dans l'âge. Ouais. Mais après, je pense que c'est toujours ma patte. Mais qu'est-ce qui t'a amené à faire de la scène? Ça, on en a parlé au début, mais c'était pas très clair. Qu'est-ce qui t'a propulsé? Alors en fait, moi, quand j'étais adolescente, ouais. J'adorais la musique. Et j'étais une grande fan de Madonna, donc rien à voir avec la chanson française. Et je voulais être chanteuse. Sauf que dans ma famille, il fallait avoir un vrai métier, ouais, penser à sa carrière, à sa retraite. Ouais. Donc, je faisais du piano, de la danse, j'adorais danser. Piano classique? Piano classique. Alors, tu connais le solfège et tout le... Ouais. Et je faisais pas de chant particulièrement, mais je passais des heures à écouter la radio et à chanter dans ma chambre. Et voilà, et en fait, bon, ben voilà, j'ai fait mes études, une école de commerce, j'ai bossé dans une agence de communication, et à 30 ans, par le biais de mon boulot, les choses m'ont rattrapée. J'ai participé, c'était l'époque de la Star Academy. Oui, oui, le début, oui. Qui était organisée par la chaîne TF1. Et en fait, la régie publicitaire de TF1, qui s'appelait TF1 Publicité, a proposé à ses clients des agences de faire une Star Academy, mais pour nous, entre nous, quoi. Oh, donc, bref, ils ont réuni. À la rigolade ou Oui, mais avec deux spectacles à la fin, dans une salle de 900 places, coaché par des professionnels de la danse, du chant, du théâtre. Qui en vivent, eux. Qui, eux, en vivent. Et donc, ils ont fait un spectacle avec 90 amateurs, avec des tableaux différents, des choses chorégraphiées, etc. Et ce truc-là, auquel j'ai participé, m'a reconnecté avec mon désir d'adolescente, oui, de vouloir faire de la scène, de vouloir être chanteuse. Et suite à ça, donc, on a fait deux spectacles. Je me suis vraiment éclatée. C'était le seul truc. Moi, j'étais du genre à bosser jusqu'à je ne sais pas quelle heure. C'est le seul truc. À 18h, je partais du boulot et j'allais répéter. Et là, t'avais cette raison de vivre là, c'était vraiment l'endroit où tu pouvais t'éclater et avoir un plaisir fou. Ça m'a vraiment reconnecté cette expérience et c'est fou que ce soit arrivé par le biais de mon boulot en fait. Donc ça m'est revenu en plein cœur et suite à ces deux spectacles qu'on a fait, j'avais pris une semaine de vacances. Ah ouais, okay. Et je me suis retrouvée dans un parc en me disant, tiens, je vais essayer d'écrire un texte. J'avais jamais... Moi, j'aimais bien dans mon boulot, dans la com, rédiger des trucs, okay, pour les clients, trouver des argumentations, Donc, me voilà-t-il pas dans le parc Monceau, dans le 17e, à essayer d'écrire, où pendant 2 heures, je n'ai rien écrit. Et puis, je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais bouger. Je suis allée faire mes courses et sur le chemin, ça a commencé à venir. Okay. Alors que j'avais passé 2 heures à galérer. Et c'est parti comme ça, j'ai commencé à écrire des textes. J'ai fait suite à cette expérience une formation, refait une formation artistique dans une école où il y avait des cours de danse, de théâtre, de chant. Oh, ok. À 30 ans. Ouais, à 30 ans. Et jamais trop tard. Ben non. C'est bien. Et ouais, j'avais 30 ans. Et suite à ça, ben voilà, je me suis lancée. Alors pas sans filet, hein, j'ai négocié mon licenciement. Oh, okay. Je me suis pas retrouvée. Je sais que ce soit quand même une transition. Alors, tu voulais t'inclure 100% dans ton projet. Alors, tu as abandonné ton travail. Ouais. Oui, parce que je voyais bien, parce que pendant un temps, j'étais encore la deuxième année en formation artistique et puis en même temps à mon boulot, et je voyais bien que je jonglais entre deux univers assez différents. C'était compliqué, ouais, pour moi. Donc, et ça cassait un peu, c'est pour ça que tu as voulu lâcher ton, ouais, emploi. Ouais. Pour t'imprégner de... Mais c'était quand même casse-gueule, parce que c'est possible. Casse-gueule. Après, je n'avais pas d'enfant, ouais, j'avais pas de, tu vois, je mettais personne en danger à part moi-même. Ah, ouais, ouais, donc, ouais. Puis tu avais quand même ramassé un peu de sous. Oui, voilà, j'avais le droit aux allocations chômage, donc je ne suis pas partie, tu vois, sans filet, quoi. Oh, ouais, c'est ça. Mais bon, voilà, par contre, ça n'a pas été une période facile, parce que je sentais que je quittais les rails et que psychologiquement, on se dit, oulala. Ouais, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Ouais. Ouais. Je ne regrette pas. Non. Mais vois-tu qu'il y a une progression puis que ça commence à, comme je disais au début, à se tisser, à prendre, oui, oui, oui, oui, à prendre forme, hein? Oui, oui. Puis de plus en plus, les gens te font des commentaires, et c'est ça qui est intéressant. Puis le milieu aussi, hein, parce que je vois qu'on voit toujours les mêmes, hein, qui se greffent au même projet. Et tu fais partie aussi de la clique de ce genre-là. Bon, on est pas mal d'artistes, oui, en développement, en chansons françaises et tout. Ouais, c'est ouais, ça. C'est une belle... Ouais, c'est une belle... Puis vous vous entraidez? Oui, oui, oui, tout à fait. Et tu te sens appartenir beaucoup plus à un noyau fort que lorsque tu travaillais dans la com? Ah ben c'est sûr que lorsque... Ah non, mais donc, tu veux dire par rapport à... Ouais. Ben quand je travaillais dans la com, je suis quelqu'un d'assez fidèle, donc j'aimais bien la boîte dans laquelle je travaillais, j'étais, okay, bien entourée. Mais bon, c'est vrai qu'au bout du compte, je me voyais pas rester jusqu'à la fin de ma carrière, ouais, là-dedans. Ouais. Je suis tellement heureuse d'avoir changé. Ça n'a pas été facile, hein. Non. C'est jamais facile de changer de voie, mais non, je suis tellement heureuse de ce que je vis, même si bon, c'est pas facile non plus ma part. Mais aujourd'hui, est-ce que tu fais partie, est-ce que tu as envie un peu? Oui. Okay. Parce que tu fais ton temps, tu fais tes spectacles, ouais. Donc tu es intermittente. Oui. Depuis combien de temps? Alors, c'est difficile à dire parce que je l'ai été un peu en 2013-2014, après ça s'est arrêté et là ça fait... Qu'est-ce qui s'est passé après? Ben, j'avais pas suffisamment de dates. Okay. Alors, ce que je fais aussi en parallèle, c'est que j'enseigne la musique. Dans oui, ça, oui, oui, oui, oui, oui, ça, oui, oui. Je le fais toujours. OK. Piano? Le chant, okay. Le chant, j'anime des chorales, enfants, adultes, des ateliers comédie musicale avec des enfants. Ah, c'est bien, c'est bien. Avec ouais. Un spectacle à la fin, c'est oui, ça, ouais. Un classique. Ouais. Non, c'est chouette, ça me nourrit aussi de ouais. M'enseigner. Et tu le fais encore, ça? Oui, je le fais encore. OK, OK, OK. Et tu vois à travers ces projets-là qu'il y a des enfants qui ont beaucoup de talent et t'es là pour les révéler aussi? Oui, oui, oui, après... Enfin, mais c'est ludique, c'est certain. Ludique, c'est ludique, puis j'aime bien travailler avec les enfants parce qu'ils sont toujours ils trouvent toujours un moyen de contourner les règles. Oui, oui, oui. Il y a une espèce de fraîcheur que je trouve chouette. Après, bon, t'es là aussi pour faire un peu le rôle de... Oui, de maman, mais en même temps, eux, ils n'ont pas peur. Tandis qu'il y a peur, des artistes ouais. Qui traquent là, avant d'entrer sur ça, eux, les enfants. Non, c'est un jeu, c'est le jeu de se montrer sur scène, ouais. C'est ça qu'on apprend beaucoup là-dessus. Oui. Ouais. Profitez bien, mes enfants, c'est la dernière fois que vous pouvez me voir. Demain, je pars. J'ai besoin de mettre les voiles, de revoir le soleil, les étoiles de ma ville natale. Je vous embrasse, mes enfants, merci pour l'amour que vous m'avez porté. Je suis touchée d'avoir été votre modèle en peinture ou bien en pixels pendant toutes ces années. Je pars la ya la ya la la ya la ya la. Je pars la ya la ya la la ya la ya la. Cheveux au vent, je veux sentir la vie. Quitter ma routine pour savoir qui je suis. Ce soir je danse, mes enfants, avec mes voisins aux noces de Cana. Une dernière fois, j'ai promis une tarentelle à l'homme aux gants, je sais qu'il m'aime depuis 200 ans. Je l'aime aussi, mes amis. Lui et moi, nous avons tant de points communs dans nos destins. Il ne connaît pas son prénom. Quant au mien, ce n'est pas le bon. N'en est qu'à Molisa. Je parle. Sentir la vie, quitter ma routine pour savoir qui je suis. Pardonnez-moi, cher Léo, je brise l'image de la mère parfaite dans votre tête. Mais aujourd'hui, j'ai les mains moites et l'envie de rire aux éclats. Dans ce cadre, je ne peux pas Je parle à y'a la y'a la, la y'a la y'a la. Je parle à y'a la y'a la, la y'a la y'a la. Fini le noir, je veux de la couleur. Peindre les arbres et écouter mon cœur. Je voulais juste aussi parler par rapport à mon projet. En fait, j'ai aussi travaillé sur l'aspect visuel. Oui, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Et, donc, ouais, et je, là, je travaille avec. Ben voilà, je suis ravie de travailler avec des super nanas. Oui, oui, oui. Pour ouais. le coup. Donc pour la photo, elle s'appelle Marie-Charlotte Lorraine. Pour le graphisme, c'est Nathalie Chorion. Et là, on va sortir un clip sur une chanson qui est sortie il n'y a pas longtemps qui s'appelle Je médite. Oui. Et donc là, il y a deux réalisatrices, il y a Ira Wiesenberg et puis Nathalie Chorion qui a fait les illustrations parce que ça va mélanger les illustrations avec du film. Ok, genre bande dessinée et. Un peu bande dessinée, okay. Mais avec des incrustations. C'est-à-dire qu'on a, on a filmé sur fond vert. Ah oui, oui, oui. Et ensuite on a réincrusté. Et c'est pour quand? Mars, avril? Alors le clip il va sortir là en février et okay, l'album, oui. L'album il va sortir le 17 mars. Ok. Okay. Il y a déjà une chanson qui est sortie fin novembre. Là on oui. a sorti la deuxième. Oui, que j'ai attendu, super, oui. Donc ça annonce bien le projet. Et est-ce que c'est dans ce son-là qu'on va retrouver l'album? Oui, oui, oui. Après il y a deux. Il y a deux chansons qui sont un peu plus, alors je ne vais pas dire électro, mais il y a de la programmation derrière, un peu différente. Ok. Ok. Dont une où c'est en fait un texte que je lis sur cette ambiance musicale avec des bruits de programmation, tout un mélange de trucs arrangés par Lucien Zérad encore. Oh, ok. Qu'elles sont un peu différentes celles-ci. Mais sinon, le reste, c'est assez. Ouais, c'est la même veine. Après, musicalement, en fonction des textes, c'est pas la même ambiance. Là, je médite, on est sur un truc un peu indien, en même temps reggae. Et puis la première, c'était plus latino et son manouche, un mélange de deux. Mais est-ce que tu te sens à l'aise dans l'électro? Ah, ben bah, oui, en fait, au départ, ça m'a surpris, mais en fait, jamais. Ah, mais c'est vrai, parce que. Oui. Électro, c'est peut-être beaucoup dire, hein, mais c'est parce que c'est quand même différent des autres chansons qui ont un aspect plus chanson française. Ouais, voilà. Ouais. Mais en même temps, l'électro, c'est toujours apprécié parce que ça se démode jamais. Ouais. Dans les années 90, beaucoup de chanteurs, chanteuses, groupes faisaient de l'électronique et c'est bien aussi de faire un mélange de tout ça. Dans tes 13 chansons, on va voyager à travers le rythme, mais aussi à travers les mots. Ouais, Et sur scène, est-ce que tu vois un peu la ligne médiane de tout ça? Parce que tu ne prends pas tes 13 en spectacle, mais tu dois en choisir quelques-unes. Oui, alors ben justement, là, je suis à l'étape... Donc, ce projet d'album m'a pris beaucoup de temps, donc je suis maintenant à l'étape où je vais devoir faire la transition entre l'album et la scène. Donc, il y a forcément des choses que je vais modifier. Là, je suis en train de chercher, on cherche un concert de sortie d'album où ça va peut-être être un peu différent, ça va peut-être être la fête de la sortie de l'album. Oui, oui, oui. Oui. Mais après, je commence à réfléchir à comment. J'en suis vraiment au tout début, donc je ne vais pas répondre très bien à ta question pour l'instant, mais voilà, je vais essayer de trouver la connexion entre l'album qu'on a fait et la scène. Et une des première chose, c'est peut-être de rajouter un musicien à la basse. Parce okay. que je trouve que maintenant, quand on répète sans la basse, ça me manque cruellement. Oui. En fait. Mais c'est vrai que c'est important, la basse. Ouais. Je vais t'essayer d'infuser ton mais thé, oui, parce qu'à un moment pas. Donné, ben oui, c'est ça. Pendant ce temps-là, je vais... Je parle. Je t'ai écouté, ben, lorsqu'on s'est rencontrés, il y a quoi? Il y a deux, trois ans? Trois ans, oui. Tu m'avais amené des maquettes. Oui. Et je trouvais ça tellement ludique, tellement beau, tellement... Puis en plus, toi, tu m'avais fait un dessin sur le disque là, pour créer une pochette. Là. Ouais. Et puis, je te demandais pourquoi tu n'anticipais pas. Puis tu me disais, ben c'est pas encore le temps, j'ai pas encore trouvé les gens avec qui travailler. Et en fait, c'est à force de faire de la scène que ces gens-là se sont greffés à toi. Oui, alors pour la scène, j'avais trouvé, mais effectivement, je ne savais pas par quel bout prendre le truc, comment trouver quelqu'un qui... Je ne me sentais pas, moi, les épaules suffisamment solides pour encadrer artistiquement tout le projet, même bien sûr, j'ai mon mot à dire et beaucoup. Mais c'est pour ça que je te dis, en 2021, en fait, j'ai fait appel à quelqu'un. Je me suis dit, je ne pourrais pas porter le truc tout seul. Donc, pourquoi celle-là? Pourquoi cette personne-là? En fait, le système français est super, on a le droit en tant qu'artiste à des droits à la formation. Donc j'ai contacté une structure avec laquelle je travaille assez régulièrement et j'ai expliqué mon projet, je voudrais faire un album, mais je ne me sens pas les épaules suffisamment solides. Comme tu viens de me raconter voilà. Là. Ah, c'est bien, c'est et bien. La personne m'a dit, écoute, je te conseille de contacter François Lauzet. À mon avis, c'est une personne qui pourra être qui pourra t'accompagner vraiment bien sur le chemin. Et donc, j'ai contacté François Lauzet. Je lui ai envoyé à l'époque les maquettes que j'avais. Que tu m'as remis, c'est ça? Voilà, les mêmes, les mêmes, okay, les vieilles, les vieilles. Il y avait peut-être des nouvelles par rapport à ce que je t'avais remis. Ouais. Ah, ok. Peut-être que lui avait. Une ou deux nouvelles. Okay. Et donc, lui a tout de suite pensé à Lucien Zérad. Parce que Lucien, il a une expérience musicale très variée. Il a bossé avec des gens comme Enzo, okay. Zaz, Imani, même Henri Salvador, Charles Aznavour, okay. Angélique Kidjo. Donc musicalement, il va aussi dans des choses assez variées et ça correspondait bien musicalement à ce que je fais. Et surtout que ce qui a touché, ça a été très percutant. Ouais, ben j'espère. Ben, en fait, je trouve ça chouette. Après, je sais pas comment les gens vont recevoir les choses, mais ouais, j'étais très contente de travailler avec lui. Donc, c'est un peu la touche professionnelle qu'il te fallait. Ouais. Et lui, est-ce qu'il était franc, honnête, ou il voulait pas te froisser? Puis, Ça, je sais pas. Non, mais je pense qu'il a toujours été honnête, ouais. Non, il a toujours été honnête. C'est-à-dire qu'il y a des choses que... Mais il aurait pu refuser de travailler avec toi. Ah oui, il aurait pu, ouais. Ouais. Ouais, non, je pense que ça lui a plu dans l'esthétique musicale. Et puis, il a apporté ses arrangements aussi. Il y a des très belles choses au violoncelle qu'il a écrites. Avec la violoniste, on a bien travaillé aussi. Non, c'est super. Après, voilà, il y a des choses où, de temps en temps, où on n'était pas d'accord sur certaines choses. Donc, c'est aussi trouver le juste milieu entre j'entends ce que la personne me propose, mais est-ce que je suis complètement d'accord ou est-ce que je vais être frustrée si j'accepte? Enfin, il faut trouver le bon équilibre. Je pense qu'on l'a trouvé. Oui, mais ce que je trouve intéressant, c'est que toi, tu amenais ta façon de faire hein, sur scène et lui avait une vision plus studio, plus ça donne quelque chose. Puis surtout quand lui écrit ses propres chansons, ses propres harmonies sur ce que tu as écrit, c'est très flatteur. Oui. Puis ça donne une autre dimension que tu ne croyais même pas à Lille. Ben oui, je ne savais pas en fait, non. Oui. Donc ça t'a donné encore plus de force et de conviction d'aller plus loin. Oui. Donc c'est quelqu'un qui t'a comme amorcé, qui t'a donné le... Oui. Ah mais c'est bien, c'est bien. Oui, c'est chouette. Puis c'est un cadeau. Oui, c'est un cadeau, oui. Et donc, c'est lui qui a quoi? Il c'est l'âme de l'album? Non, c'est vraiment exagéré. C'est... Non, parce que je crois que comment on pourrait dire ça? Oui, il a tout supervisé, mais c'est vraiment un travail d'équipe. Oh, enfin, En fait, en un mot, il t'a compris. Parce qu'il n'a pas été à l'encontre de ce que tu voulais, de ce que tu pensais, de ce que tu exigeais. Non. Donc, non, puis il a apporté plein de choses auxquelles moi j'avais pas pensé et qui sont vraiment super. Donc, mais ce que je trouve assez génial, c'est l'expérience d'équipe. Quoi. C'est rencontre avec d'autres musiciens qui ont aimé aussi. Enfin, l'ambiance était vraiment chouette. C'était chez lui en fait, il avait son home studio, donc à la maison, c'était convivial. Puis en plus, plus relax, hein, comme ça coûte pas cher, va à ton rythme, on va se reprendre. Voilà, on n'a pas le stress. On sent plus le plaisir aussi. Oui. Moins le boulot, moins le travail compliqué, aride. Parce que c'est sûr que quand tu payes le prix d'un studio, ben là, il faut aller rapidement, puis même si c'est pas bon, on continue. Mais là, non, on se détend, on réécoute, on en parle. Il y a beaucoup de discussions là-dedans. Donc, ça devient un album humaniste. Voilà, exactement. On a même, quand on faisait des pauses pour le déjeuner, on a travaillé avec un bassiste qui s'appelle Thierry Fanfan. Très beau, non? Ouais. Qui nous a préparé un rougail. Okay. Oui. Donc, j'ai plein de souvenirs chouettes de cet enregistrement. Mais là, une fois que le disque est fait, là, tu l'as entendu, là, il est mixé. Ça y est. Donc là, tout est parti pour le pressage. Okay. Donc, okay. On devrait récupérer la galette au mois de février. OK. Ben là? Là, ouais. OK. Bientôt, dans 10 jours, je pense. Mais après, le défi, c'est de proposer ça sur scène, comme on le disait tout à l'heure. Voilà, ben, je te disais... Il manque le bassiste. Donc c'est pour ça que je réfléchis sérieusement à rajouter un bassiste ou une bassiste. Donc j'en suis là. Préférais-tu un homme ou une femme? Ce serait pas mal de rééquilibrer avec une femme, à vrai dire. Enfin, ce serait deux. Ouais, c'est vrai, ce serait... mais voilà, je te dis, je suis vraiment au tout début. Donc, on a même éventuellement parlé avec mes musiciens, peut-être de ne pas avoir une basse, mais d'avoir une violoncelliste ou un violoncelliste qui joue un peu le rôle de la basse. Ce ne sera pas tout à fait pareil, mais on est vraiment dans ces questionnements. Donc, je t'en dirai plus bientôt. Oui. Je prends une feuille pour écrire le programme de cette longue journée. 48 tâches à remplir, je transpire, j'entends mon cœur palpiter. Je traîne dans la salle de bain, le zombie dans la glace me fait peur. Et si j'allais demander au médecin de quoi doper mon humeur? Je dois farcir le gigot, je dois payer mes impôts, je dois briller au boulot et prendre le métro. Stressé, depuis 2 mois ça ne passe pas, je suis une autre stressée. Mais ce matin, je ne fais rien et je me vautre sur mon canapé, collé serré à mon réveil. J'ai cru mourir quand mon ado s'est mise à bêler. Maman, comment je vais sortir? J'hallucine, mes fringues ne sont pas lavées. J'ai vu soudain ma main partir, comme si on l'avait ensorcelée. Le boucan de la claque m'a fait frémir, mais je me suis sentie soulagée. Je dois m'épiler le maillot, je dois laver les carreaux, régler mon dégât des eaux et sourire à volo. Stressé, stressé, depuis 2 mois ça ne passe pas, je suis une autre stressée. Mais ce matin, je ne fais rien et je me vautre canapé, collé, serré. We'll be right back. stressé. Stressé. Je ne suis pas Wonder Woman, je suis une autre stressée. Je voudrais bien d'un Superman pour qu'on se vautre. Sur mon canapé, collé serré. Toute la journée, collé serré. Mais c'est pas évident d'émerger. Je sais plus, je crois qu'ils disent qu'il y a 100 000 sorties de singles dans le monde par jour. Oui. Après, le chiffre varie, alors j'ai jamais compris quel était le bon chiffre. Mais c'est bon, mais c'est un truc de dingue. Est-ce que c'est francophone ou. Non, c'est mondial. Ok, mondial. C'est mondial. 100 000 ouais. par jour. C'est ce qu'ils disent, ce qui me paraît juste énorme. Ben, c'est parce que si c'est ça, on parle aussi de lancement sur Internet. Oui, c'est les lancements sur Internet. Bon, mais quelqu'un peut non, faire. Non, c'est sur les plateformes. Guitare, voix, puis lancer ça. Donc, aussi, ça peut être n'importe oui, quoi. Ça peut être n'importe quoi aussi. Oui, ouais. Quelqu'un fait ça, puis met de la parole. Oui, c'est le bon. Chiffre global. Ok, ouais, ouais. C'est qui disait ça? Ben, j'ai fait appel à une plateforme qui s'appelle Groover, qui met en relation des artistes avec des structures, soit des médias, soit des managers, soit des labels, soit des... Et c'est eux qui ont lancé ça comme... Non, mais donc, en fait, donc ils te proposent, toi, d'envoyer un titre en tant qu'artiste okay. à des structures. Oui. C'est payant, hein, c'est 2 euros par contact. Et les structures qui travaillent avec Groover s'engagent à te donner un retour sur ta chanson. Ok, une redevance. Ouais. Non, un retour. Ok. L'opinion. Oui, spectateur, ok, oui. Je comprends. Une opinion, et puis par exemple, si c'est des médias, oui. te dire, bah oui, on va le mettre dans notre playlist radio. Ah, c'est bien, ok. Et en fait, Groover, parallèlement à ça, on voit plein d'infos aux artistes sur le milieu, des conseils et tout. Et c'est dans leur dernière newsletter que j'ai dû voir qu'il y avait 100 000. Mais c'est en fonction des. Quand j'assiste à des conférences, ça peut être. Je crois que j'avais entendu 70 000. Mais alors, je sais pas. En fait, je ne connais pas le bon chiffre. Mais je trouve que c'est énorme quand même. Même si c'est 50 000 par jour. C'est énorme. 50 000, c'est. Donc voilà, quand tu es connu de nulle part, c'est pas évident que ta chanson, elle arrive. Ouais, à part ta mère, ton père et tes sœurs, ouais, c'est possible. Mais là, c'était chouette sur le 10 envers, la première chanson. C'est rigolo parce que pour le coup, Spotify te donne. Donne aux artistes les pays dans lesquels ta chanson a été écoutée. Oui. C'est chouette, je trouve. Il y a effectivement au Canada. Québec ou. Les deux. Québec. Okay. Il y a au Japon. Ah oui. Japon, Australie, je dois avoir une écoute en Angleterre, en Allemagne, en Suisse, en Belgique. Est-ce qu'ils donnent des commentaires ou c'est juste le fait qu'ils ont pressé non, sur. C'est le nombre okay. de lectures. Quoi. Ah, c'est bien. Mais déjà, là, juste écouter, c'est. Ouais. Ah, mais c'est. Mais tu sais pas qui a écouté. Tu sais de la provenance, mais tu sais pas c'est qui. Ah non, je sais pas. Ok, non, ok, parce que tu aurais pu envoyer un petit message. Non, merci. Non, après, je sais pas. Ok, ok. Alors, qu'est-ce qu'on se. On te souhaite quoi dans les prochains mois, dans les prochaines années? Ben, de la joie. Ben, de la joie du succès. Oui, hein? De la joie. Et... Puis au moins d'être connu et reconnu. Et de poursuivre ton chemin. Voilà, de poursuivre mon chemin. Oui, parce qu'il n'est pas fini, voilà, ça continue ben non, la vie. Ben, il y a tellement de choses aussi, là, mais l'actualité, c'est ton nouvel album oui. qui va sortir dans quelques semaines. Voilà. En février? L'album, il sort le 17 mars. 17 mars, ok. Là, ce qui va sortir en février, c'est le clip pour le deuxième single qui s'appelle « Je médite ». Ça, c'est mi-bande dessinée, mi... Voilà. Ok. Et tu l'as vu, c'est déjà terminé? Oui, c'est déjà quasi fini. On est sur des petits fignolages. Et puis, comment tu le trouves? Je suis hyper contente. Ouais. Et... C'est chouette, c'est joli. C'est... Est-ce que ça a été long à réaliser? 2-3 jours, 4 jours? Non. En fait, le plus long, c'est le montage, parce que ça n'a pas été évident, tu vois, de traiter après, de désincruster les images filmées pour les remettre dans les décors. Puis il y a des choses qu'on a changées en cours de route. On a rajouté des animations. Et ouais, Ira Wiesenberg qui s'occupe du montage et qui a fait la partie filmée, elle a bien, bien bossé au mois de janvier. Ah oui, ok. Alors c'est pas une question. Mais c'est beaucoup d'heures pour 3 minutes. Ouais, ouais. Ouais. Mais c'est joli. C'est mais le résultat est là. Oui, ouais, je suis contente. Ouais. On a eu une petite aide aussi du Centre national de la musique pour la réalisation du clip. C'est bien, c'est bien parce qu'il faut aussi avoir quelqu'un pour nous. Est-ce que c'est économique ou c'est. Ils ont collaboré d'une manière artistique? Non, c'est économique. Ok, ouais, tant mieux. Les tant fonds mieux. Financiers, ouais. Ouais, ouais. Il faut. Il faut. Ben écoute, à la revoyure, puis ben on va sur ça de près. Ben écoute, ça me fait plaisir, puis merci d'avoir dit oui. Ben ouais. Ça a été rapide. Ouais, ça a été rapide. On, en même pas 3 jours, on avait déjà calé le rendez-vous. Et puis surtout qu'aujourd'hui, tu m'as dit, c'était jour pour jour. 3 ans qu'on s'était... Voilà, on s'était vu le 4 février 2020. J'ai remonté nos échanges, là. Ah, mais c'est parce que je me demandais, mais alors, on s'était vu quand? J'avais perdu le fil. Quoi, t'avais un agenda, puis t'as pris ça en or? Non, mais sur Messenger, il y avait nos, ah, nos anciens oui, messages. Okay. Hey, j'ai regardé. Ah oui? On s'envoyait des messages le 4 février 2020 pour se donner rendez-vous. Ouais, ben écoute, il n'y a pas de hasard. Voilà. Puis je te dis merde pour ton album. C'est gentil. Parce qu'on ne peut pas dire. Puis merci. Écoute, j'aime bien ton nouveau style. J'aime bien. Comme je te dis, les éclairages sont extraordinaires. Mm-hmm. Surtout, tu sais, ta présence sur scène, tu sais, ta présence est unique. Puis je trouve que derrière ça, il y a beaucoup de travail. Ah, oui, il n'y a rien d'improvisé, comme je te dis. Ouais. Merci beaucoup. Ben, merci à toi. À la revoyure. J'aime la chanson de ma ville, le ronronnement des voitures, la pétarade des motos, fortissimo. J'aime la chanson de ma ville, l'écrissement du métro, le son des marteaux-piqueurs en mi bémol majeur, le cliquetis des verres dans le pub d'en face, le chant des conversations que j'écoute depuis mon balcon. Il y a quand même un refrain qui me tape sur les nerfs au détour d'une rue. Psst, miaou. Psst, psst, hé hey, mademoiselle. Psst, t'as de belles jambes, tu sais. Psst, hé, hey, tu te retournes quand je te parle. J'aime la chanson de ma ville, le concerto des sirènes, l'orchestre des klaxons. Me diapason. J'aime la chanson de ma ville, le pot pourri des portables, la rythmique des escalateurs, en ternaire ou en binaire, les aboiements des caniches de ma voisine de palier, à 6 heures du matin, quand elle s'en les promener. Il y a quand même un refrain qui me donne la nausée en plein cœur d'une rue. Ne me touche pas! Psst, vas-y, t'aimes ça. Lâche-moi! Avec ta tenue, tu l'as bien cherchée. J'aime la chanson de ma ville, les poèmes écrits sur ses murs, ses lumières qui vibraphonent. Ad libitum. J'aime la chanson de ma ville, le crescendo de ses voix, de République à la Nation, à l'unisson. Chers amis, si. Si je vous. Si je vous ai bien compris, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.